La prière à saint Antoine. Cette bonne madame Paloche, présidente de l'association du Saint-Rosaire et épouse du marguillier Stanislas Baloche, fait présent à celui-ci, le jour de sa fête, un superbe chibouk. Stanislas, que son confesseur a autorisé à fumer, est tout heureux de ce splendide cadeau. Le soir, sitôt que madame Baloche s'est retirée dans sa chambre, Stanislas, avant de se mettre au lit de son côté, éprouve le besoin d'essayer la précieuse pipe. Mais comme elle n'a pas été préalablement culottée, il la trouve fort mauvaise et même il éprouve des nausées. Grand est l'étonnement de Madelon, la servante, en constatant le lendemain, sur la descente de lit de monsieur, la présence d'un long tuyau de bois, dont elle ne peut comprendre l'usage, vu que le fourneau du chibouk a roulé séparément sous la table de nuit. Après mûre réflexion, Madelon se dit que l'objet est sans doute pour remplacer le tuyau trop flexible du chrysopompe de monsieur. Elle l'ajuste donc à l'irrigateur susdit et s'en sert dès le jour même pour donner un lavement de mauve à son mari, jardinier de la maison. Minutieuse recherche de madame Baloche, qui est au désespoir en ne retrouvant que le fourneau du chibouk dépourvu de son tuyau. Elle emploie mais en vain toute sa matinée à découvrir l'endroit où a pu rouler ce complément indispensable de la pipe de Stanislas. À bout de recherche, madame Baloche se précipite à deux genoux devant l'image bénite du grand saint Antoine de Padoue et adresse une prière fervente à ce bienheureux, dont la spécialité, ce que personne n'ignore, est de faire retrouver les objets perdus. Joie ineffable de madame Baloche qui, passant par hasard à l'office, trouve, accroché parmi différents ustensiles, le mirifique tuyau. L'allégresse de la chère dame est tellement vive qu'elle l'empêche de remarquer en quelle étrange compagnie figure l'appendice en question. Tout à son bonheur, madame Baloche rend des actions de grâce à saint Antoine, son protecteur, et se rendant sans désemparer au salon, elle rajuste le chibouk et le garnit de caporal supérieur. Ce sera pour le gros chéri Stanislas quand il aura fini de déjeuner. Conformément à ce programme, madame Baloche invite Stanislas, après le dessert, à essayer de nouveau sa belle pipe, dont l'histoire de la perte et de la trouvaille miraculeuse est aussitôt narrée. Stanislas, s'exécutant, reconnaît que jamais il n'a rien fumé d'aussi bon.